La prophétie de Nahum. Fardeau de Ninive, livre de la vision de Nahum, l'Elcéséen. Le Seigneur est un Dieu jaloux et qui se venge. Le Seigneur se venge et il éprouve de la fureur. Le Seigneur se venge de ses ennemis et il s'irrite contre ses adversaires. Le Seigneur est patient et grand en puissance, et il ne laisse pas impuni. Le Seigneur marche dans la tempête et le tourbillon, et les nuages sont dans la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche, et il change tous les fleuves en désert. Basan et le Carmel se flétrissent, et la fleur du Liban se fane. Les montagnes sont ébranlées par lui, et les collines dévastées. La terre, le monde et tous ceux qui l'habitent tremblent devant sa face. Qui résistera devant son indignation et qui soutiendra la fureur de sa colère? Son indignation se répand comme le feu et il dissout les pierres. Le Seigneur est bon, il réconforte au jour de l'affliction et il connaît ceux qui espèrent en lui. Par un déluge qui passera, il anéantira ce lieu et les ténèbres poursuivront ses ennemis. Que méditez-vous contre le Seigneur? C'est lui-même qui anéantira. La tribulation ne viendra pas deux fois. Comme des épines qui s'entrelacent, tel est le festin où ils s'enivrent ensemble. Ils seront consumés comme de la paille tout à fait sèche. De toi sortira celui qui médite le mal contre le Seigneur et qui agite dans son esprit des pensées de perfidie. Ainsi parle le Seigneur. Quoique très forts et nombreux, même ainsi ils seront fauchés et disparaîtront. Je t'ai affligé, mais je ne t'affligerai plus. Et maintenant, je vais briser sa verge de dessus ton dos et je romprai tes liens. Le Seigneur donnera des ordres à ton sujet et il n'y aura plus de rejetons de ton nom. J'exterminerai de la maison de ton Dieu les statues et les idoles. Je préparerai ton sépulcre parce que tu es méprisable. Voici sur les montagnes les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle et qui annonce la paix. Célèbre, Juda, tes jours de fête, et rends tes vœux, parce que Bélial ne passera plus désormais au milieu de toi. Il a péri tout entier. Il monte, celui qui te renversera, qui te tiendra assiégé. Surveille le chemin, fortifie tes reins, rassemble toutes tes forces. Car le Seigneur rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les dévastateurs les ont pillés et ont détruit leurs sarments. Le bouclier de ses héros est embrasé, les guerriers sont vêtus de pourpre, les rênes des chars étincellent au jour du combat, et leurs conducteurs sont assoupis. Ils se rencontrent sur les routes, les chars se heurtent sur les places. Allez voir, on dirait des lampes, des éclairs qui courent. Il se souviendra de ses héros, ils précipiteront leur marche, ils se hâteront de monter sur les murs, et ils prépareront des abris. Les portes des fleuves sont ouvertes, et le temple est détruit au ras du sol. Le soldat est fait prisonnier, ses servantes sont emmenées, gémissant comme des colombes et murmurant dans leur cœur. Les eaux de Ninive étaient comme les eaux d'un étang. Mais ils ont pris la fuite. Arrêtez, arrêtez, mais personne ne revient. Pillez l'argent, pillez l'or, ses richesses sont sans fin, elle est remplie d'objets précieux. Elle est détruite, renversée et déchirée. Les cœurs se dessèchent, les genoux tremblent, tous les reins sont sans force et les visages de tous sont noirs comme une chaudière. Où est le repère des lions et le pâturage des lionceaux? Où le lion se retirait avec ses petits sans qu'il y eût personne pour les troubler? Le lion apportait une proie suffisante pour ses petits. Il égorgeait pour ses lionnes, il remplissait ses antres de sa proie et son repère de rapines. « Voici, je viens à toi, dit le Seigneur des armées. Je mettrai le feu à tes chars et je le réduirai en fumée. L'épée dévorera tes jeunes lions, j'arracherai du pays ta proie et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. » Malheur à toi, ville de sang, toute pleine de fourberies et de violences qui ne cessent pas tes rapines. Bruit du fouet, bruit des roues qui se précipitent, et du coursier frémissant, et du char qui bondit, et du cavalier qui s'avance, et de l'épée qui brille, et de la lance qui étincelle, et de la multitude égorgée, et d'une ruine terrible. Le carnage n'a point de fin, et l'on tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses fornications de cette prostituée, belle et agréable, qui s'est servie des enchantements, qui a vendu les peuples par ses fornications et les nations par ses maléfices. Voici, je viens à toi, dit le Seigneur des armées, et je révélerai tes parties honteuses. Je montrerai aux nations ta nudité et au royaume ton ignominie. Je ferai retomber sur toi tes abominations, je t'accablerai d'outrage et je te donnerai en exemple. Et alors tous ceux qui te verront s'éloigneront de toi et diront « Ninive est détruite ». Qui branlera la tête à ton sujet? Où te trouverai-je un consolateur? Es-tu meilleur qu'Alexandrie des peuples, située au milieu des fleuves et tout entourée d'eau, dont la mer est le trésor et dont les eaux sont les murailles? L'Éthiopie était sa force, ainsi que l'Égypte et des peuples sans nombre. L'Afrique et la Libye venaient à son secours. Et cependant, elle aussi, elle a été emmenée captive sur une terre étrangère. Ses petits-enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. Ses nobles ont été partagés au sort, et tous ses grands ont été chargés de fer. Toi donc aussi, tu seras enivré et tu seras méprisé, et tu demanderas du secours à ton ennemi. Toutes tes forteresses seront comme des figuiers avec leurs figues. Si on les secoue, elles tombent dans la bouche de celui qui veut les manger. Voici, ton peuple est comme des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays seront complètement ouvertes à tes ennemis. Le feu dévorera tes barres. Puise de l'eau pour le siège, répare tes forteresses, entre dans l'argile, foule-la aux pieds et fabrique-en des briques. Là, le feu te consumera. Tu périras par l'épée. Elle te dévorera comme le hanneton. Entasse-toi comme le hanneton. Multiplie-toi comme les sauterelles. Tu as fait plus de trafic qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Le hanneton a étendu ses ailes et s'est envolé. Tes gardes sont comme des sauterelles, et tes petits-enfants sont comme les petites sauterelles qui se posent sur les haies en un jour de froid. Le soleil se lève et elles s'envolent, et on ne reconnaît plus la place où elles étaient. Tes pasteurs se sont endormis, roi d'Assur. Tes princes ont été ensevelis. Ton peuple s'est caché dans les montagnes, et il n'y a personne pour le rassembler. Ta ruine n'est pas cachée, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui ont entendu parler de toi ont battu des mains à ton sujet, car sur qui n'a point passé sans fin ta méchanceté ?